sur cup, sortir un album, c'est pas un coup de chat. Faire du rap, tout le monde peut le faire, mais faire du bon, c'est là que ça se gâte. J'suis là pour battre, à chaque coup, faut pas gratte. Tu me captes, alors sachons dire non à tous ceux qui grattent. Pour ceux qui pensent qu'il faut mettre en avant le flow, ou en avant le texte, en avant le show, ou pour vendre plus de sexe, je les écoute même plus. Mais qu'est-ce que tu veux? J'veux que ça me tue, j'veux que sache dire non à tous ceux qui salissent nos instrus. Pour protéger cet art, juste pour empêcher qu'elle meure, parce que ça loupe pas, à chaque fois, comme si cela, j'pleure. Attends, c'est pas fini, parce qu'il y en a plein d'autres qui me font rire. On se sent meilleur parce qu'on va plus aller des cages où je tire. J'ai un flingue chargé de cartouches dans le noir. J'marque mon territoire, moi c'est Camus, le groupe le noir. Le gardien du rap, au tronc complet au microphone. Du 4-4-L à tarif nouvelle donne. Non, non, non. Alors j'espère que ça te donne à réfléchir. Maintenant barre-toi, j'prépare mon avenir. Non, non, non. Hey, tu vois pas que ça vire au pire. Ils disent soit tu déchires, soit tu tires. Guerre, guerre, des guerres, stress, consommation de shit, business, tristesse. Yo, embrouille avec les schmitts. Situation abominable, pas trop d'yankli. Renvoi du foyer familial, poche vide et hall rempli. Trésor public fait gaz, y'a or qui a plus trop de fric. Et des boucades, des masques, et parmi tes propres types. La presse donne une sale image, ne parle que de carnage. Les plus sages deviennent barges et les keufs font le ménage. Fuck cette routine, fuck toute cette merde du quotidien. Fuck cette routine, et sachons bien prendre nos décisions. Mais voyons, j'ai plus le temps de faire le voyou. J'prends mon mic, j'braille, j'laisse aux autres jeter des cailloux. On sera pas tous discuteurs ou footballeurs pour devoir des mecs non quartier. Soit avocat ou patron, et yo explose. Fais de bonnes affaires, mais la dose, beaucoup d'embûches, j'suis pauvre. Nique sa mère, mon frère, ose. Pareil que c'est le système, pareil que c'est les fréquentations, pareil que c'est la stricte. Pareil que n'en font pas conscience à ton situation sociale, un dégoût. Du mal à nouer les debout, certains craquent, dis le jeu doux. Seuls les ambitieux restent debout, c'est la merde, frère, faut faire avec. Black beurre, faut faire avec. But dur pour nous, trouver du taf, faut faire avec. Sortir des tours de béton, personne ne fera ma place. Fort que l'influence du quartier, je veux die avec classe. Ça fait non, non, non. Il faut que je monte des ordres, des halls. Fort que l'épée d'esquive, la tôle rentre au bled. Non, non, non. Frappe le beat que tu kiffes, c'est ça mon but. Tu veux que je foire? Hey yo, la vie, laisse pas dominer pas ta haine. On se laisse trop facilement embobiner. Et bien vite nominé, gangster. Yo. On se perd, vite, on danse. Avec le diable, devenir prospère. Et t'entends dans une vie austère. On se tait, dur, constat quand on sait que t'es devenu chaud comme le magma. Quel sang-froid quand tu braques. Merde, tous les rebeux, les négros qui jouent gros. Tous les whitey, apprenti, batty boy, gâté par la vie d'ici. Bessie, mister, non, mister. Django Jack, supernova, blackstar, activiste. Trop de gun et de gains vite fait. C'est sous les voix que fait que les miens croulent et cherchent un succès. Yo, la cistana, nique le râlage. Viens pas te faire la morale, hein. Mais viens plus jamais râler sur ton destin. Ouais. Sachons dire non aux tentations du mal. Ces plantations qui pullulent dans les halls des cités comme un râle. C'est l'appétit qui grandit, les petits carrés abrandissent. Leur étendard on lit noir sur blanc, je suis un bandit. J'ai bon dos, je dis ça calmement, sachons dire non. Calmement. Et quelque part, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Non, non, non. Sachons dire non, tous ces bidons. Je casserai des dents, je veux des noms. Non, non, non. De l'espoir pour mes lascars, les leftos, les couches. Rêve à croquer la pomme, l'homme perverti. Et le diable ricane plus de vertu. Puisqu'au mal on est converti. Sale temps sur terre, dans les rues Satan erre. Le sang coule, pour un bout de terre le pays s'écroule, tous unis, non on est tous haineux. Je veux la paix, moi les guerres cautionner tout ça. Non, là où les bombes grondent, y'a pas de colombe, là où les corps tombent. Armageddon, à croire qu'on se complète dans ce décor sombre. Aucun surhomme, je veux la paix. Mais j'ai pas le sérum, c'est déchiqueté pour des broutilles. Mec à quoi ça rime, guerre et sang. Et sans excès, donne un sale arôme, ça sent le souffle. L'homme vend son âme et s'enfonce dans le gouffre. Puis la nuit des temps, je veux la paix, mon sang, je suis d'été. Pacifiste et je préfère être plutôt qu'un nid d'état. Je parle au peuple avec un grand P. La solution, poser les armes, serait un grand pas. Antilope, auteur de textes froids comme la Russie, j'essaie, tu sais. C'est dur de chanter gaiement comme la Rousseau. Je lâche mon homo noir et du lit jaune. Congo d'origine, sachant dire non à toutes ces guerres pour pas mourir jeune. Non, non, non. A toute cette haine, à toute cette rage, viol, meurtre qui nous rembarge. Non, non, non. À ces propos racistes, guerre entre islamistes et judaïstes. Non, non, non. Alors j'espère que ça te donne à réfléchir. Maintenant barre-toi, je prépare mon avenir. Non, non, non. Hey, tu vois pas que ça vire au pire. Ils disent soit tu déchires, soit tu tires. Non, non, non. Il faut que je remonte des ordres, des halls. Voir que l'épée d'esquive, la tôle rentre au bled. Non, non, non. Frappe le beat que tu kiffes, c'est ça mon but. Tu veux que je foire, suce-moi la bite. Non, non, non. Sachons dire non, tous ces bidons. Je casserai des dents, je veux des noms. Non, non, non. De l'espoir pour mes lascars, les leftos, les couches tard. Non, non, non. A toute cette haine, à toute cette rage, viol, meurtre, ce qui nous rembarge. Non, non, non. À ces propos racistes, guerre entre islamistes et judaïstes.